Bon, je me remets à parler. C'est la monnaie vivante. Un livre illustré par Pierre Souk avec des photographies. Des demi-nus. Une parodie intéressante, suggérante, suggestive. Du porno soft qui en même temps reste une œuvre très intellectuelle puisque elle vient illustrer un texte philosophique dans lequel on trouve des phrases comme ça ou des paragraphes comme ça. Désormais, la situation précaire de l'artiste ou de l'homme de lettres, soit du fabricant des simulacres, au sein même de la société des amis de crime, est absolument clair et compréhensible. Les fabricants des simulacres y figurent lui-même comme un intermédiaire entre deux mondes d'évaluation différentes. D'un côté, il représente la valeur intrinsèque du simulacre fabriqué selon les normes institutionnelles qui sont celles de la sublimation. De l'autre, il est au service de la valorisation du fantasme selon la contrainte obsessionnelle de la perversion. Des deux côtés, les fabricants de simulacres est honoré pour son désintéressement spirituel et pratiquement. Et bon, on va laisser là, on passe à une autre page, mais ce que je veux parler, c'est de ces visages de la femme de Klossowski, donc qu'on doit appeler ici Roberte, ou peut-être Diane, dans les parfaits noirs et blancs, qui suggère déjà une espèce de côté lunaire de l'image, lunaire ou solaire, de côté presque astrologique de la, du hasard photographique. Denise est couronnée d'un casque des guerriers romains, des légionnaires romains, par un monsieur qui porte une barbe. Je ne sais pas si c'est Michel Boutor, mais je ne peux pas l'assurer parce qu'il faut voir aussi à quel âge il a connu les Klossowski, Michel Boutor. En tout cas, elle porte une alliance dans sa main qui semble rejeter quelque chose qu'on lui approche. Son autre main rejette, mais moins. Donc elle fait, sa main droite, elle fait un signe plutôt de vouloir toucher avec les, avec la pointe des doigts est-ce qu'on lui approche en même temps qu'elle le rejette avec la paume. Et puis son sourire, c'est comme un sourire d'une, comme imaginez une Gioconda qui est plutôt ce côté qu'on pourrait, par analogie, comparé à l'hirsute chez l'homme, le côté hirsute chez l'homme est un côté d'une humeur, d'un humour froid, ou d'une complicité particulière avec le monde viril. Très soutenu, très retenu chez la femme en tant que la femme désire. en tant que la femme peut regarder au fond de ce qui est jouissible chez l'homme. Ses yeux sont pas trop foncés, ils sont gris, gris. Elle porte un soutien-gorge avec soutien-gorge, ceux qui portent les petits machins pour un peu des fils de fer tordus comme ça autour un demi-cercle. Pour retenir les sangs. Des rideaux sont derrière cet angle. Ça rappelle Blue Velvet, n'est-ce pas? Mais non. C'est pas du tout, je ne vois pas qu'on puisse mettre David Lynch là. Qu'est-ce qu'il ferait, David Lynch? Il serait trop anglo-saxon pour ce côté si charnel qu'il y a au fond. L'intérieur, la vie intérieure du Parisien. Quelqu'un comme David Lynch, j'imagine qu'il aurait été un peu raidi.